Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 69. Des béatitudes. Différence entre les béatitudes, les vertus et les dons. Récompense des béatitudes. Énumération des béatitudes. Ordre des récompenses. 1. Les béatitudes diffèrent-elles des vertus et des dons? Certaines béatitudes, telles que la pauvreté, les pleurs et la paix, ne prendront ni parmi les dons, ni parmi les vertus. Donc les béatitudes diffèrent des vertus et des dons. Pour juger en quoi consiste cette différence, il faut songer que la vraie béatitude est la fin dernière de la vie humaine. Il n'est pas sans exemple que l'on regarde quelqu'un comme déjà en possession de sa fin, à raison de l'espérance qu'il a de l'obtenir. Les enfants, selon la remarque d'Aristote, sont appelés heureux à cause de l'espérance qu'ils font concevoir, et l'apôtre dit également, c'est l'espérance qui sauve. Romains 8, 24. L'espérance d'arriver à la fin dernière provenant des actes des vertus et des dons, les béatitudes se distinguent des vertus elles-mêmes et des dons, comme les actes se distinguent des habitudes, et non comme une habitude diffère d'une autre. Note. La vie humaine a pour règle la raison et la loi éternelle, les vertus la perfectionnent à l'égard de la raison, les dons, par rapport à la loi éternelle. Les béatitudes sont les actes des vertus, et principalement des dons. Fin de la note. 2. Les récompenses promises aux béatitudes regardent-elles cette vie? Saint Ambroise estime qu'elles appartiennent à la vie future. Saint Augustin les rattache à la vie présente. Saint Chrysostome rapporte les unes à la vie présente, les autres à la vie future. Observons que l'espérance de la béatitude peut se trouver en nous dans deux cas. Premièrement, lorsque nous y sommes préparés par nos mérites, secondement, lorsque la sainteté nous en fait goûter les prémices en cette vie. Autre est l'espérance que fait concevoir un arbre dont les branches commencent à verdir, autre est celle qu'il donne quand les fruits apparaissent. Ces principes admis, la partie des béatitudes qui se présente sous l'idée de mérite est une préparation à la béatitude parfaite ou commencée, et elle appartient dès lors à la vie présente. Les choses qui sont offertes comme des récompenses sont, ou la béatitude parfaite, et alors elles appartiennent à la vie future, ou un commencement de béatitude qui regarde la vie présente. Note. Les récompenses promises aux béatitudes auront leur parfait accomplissement dans la gloire éternelle. En attendant, elles commencent à se réaliser ici-bas d'une certaine manière, ainsi que l'expriment ces paroles du Sauveur, « Vous recevrez le centuple, même dans cette vie. » Marc 10, 30. L'homme vertueux ne reçoit pas toujours ici-bas des récompenses matérielles, mais il n'est jamais privé des récompenses spirituelles, tandis que le cœur déréglé est à lui-même son propre châtiment, les justes sont rassasiés, dans la vie présente, des dons et des consolations de la grâce. Fin de la note. 3. Les béatitudes sont-elles convenablement énumérées dans Saint Matthieu? Les hommes avaient distingué trois espèces de béatitudes. Plusieurs plaçaient la suprême félicité dans la vie voluptueuse, d'autres, dans la vie active, d'autres, dans la vie contemplative. Ces trois sortes de félicité sont bien différentes. Celle de la vie voluptueuse est un obstacle à la vie future, celle de la vie active, une disposition au vrai bonheur. Celle de la vie contemplative, la béatitude elle-même ou son commencement. Le Sauveur a condamné d'abord la félicité voluptueuse, en disant, « Bienheureux ceux qui sont pauvres d'esprit, Bienheureux ceux qui sont doux, bienheureux ceux qui pleurent. La pauvreté d'esprit concerne les richesses et les honneurs, dont on se détache par la vertu d'humilité. La douceur nous fait surmonter les passions de l'irascible et renoncer au plaisir qu'elle cause. Les pleurs ont pour but de nous apprendre à résister aux jouissances des passions du concupiscible par un deuil volontaire. La vie active consiste surtout dans ce que nous accordons au prochain, soit comme dette, soit comme bienfait. De là, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Bienheureux les miséricordieux. Rendre à chacun son droit et remplir avec zèle toutes les œuvres de la justice, voilà la quatrième béatitude. Exercer la libéralité, et par-dessus tout la miséricorde, en donnant gratuitement, et en vue de Dieu, à ceux qui sont dans la nécessité, c'est la cinquième. La vie contemplative comprend la béatitude finale elle-même ou son commencement, ce que le Sauveur a dû énoncer comme des récompenses et non comme des mérites, tout en présentant sous l'idée de mérite les actes de la vie active qui nous disposent à la vie contemplative. Or ces actes, en ce qui est des vertus et des dons qui perfectionnent l'homme en lui-même pour le préparer à la vie contemplative, se ramène à la pureté du cœur, d'où la sixième béatitude, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, laquelle a pour but d'exclure les souillures des passions. Ces mêmes actes, quant aux vertus et aux dons qui perfectionnent l'homme dans sa conduite envers le prochain, se résument dans la paix et la concorde, selon cette parole d'Isaïe, la paix est l'œuvre de la justice. De là la septième béatitude, bienheureux les pacifiques. Note. De toutes les autres béatitudes mentionnées dans l'Écriture, il n'en est aucune qui ne se rattache à celle-là, soit du côté des mérites, soit pour les récompenses. Celle-ci, par exemple, bienheureux l'homme que Dieu corrige, revient à la béatitude des pleurs. Cette autre, bienheureux celui qui n'est point entré dans le conseil des méchants, appartient à la pureté du cœur. Cet autre encore, bienheureux celui qui a trouvé la sagesse, se rapporte à l'amour de la paix. La huitième béatitude, dont parle saint Matthieu, est comme la preuve et la confirmation des sept premières. Si quelqu'un est bien affermi dans l'esprit de pauvreté, dans la douceur et dans les béatitudes qui suivent, il est clair qu'aucune persécution ne lui fera abandonner Dieu. Saint Luc 6 n'énumère que quatre béatitudes, mais il faut savoir qu'il rapporte le discours que notre Seigneur adressa à la foule, qui ne connaît que la béatitude voluptueuse, temporelle et terrestre. Voilà pourquoi il ne cite que les quatre béatitudes qui repoussent le bonheur terrestre, bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux, vous qui avez faim, bienheureux, vous qui pleurez, vous serez bienheureux, si les hommes voient. Fin de la note. 4. Les récompenses des béatitudes sont-elles convenablement énumérées dans saint Matthieu? Les récompenses des béatitudes sont très bien énumérées dans saint Matthieu. 5. Outre que l'autorité du Seigneur qui les a proposées nous en est un sûr garant, on voit aisément qu'elles correspondent aux trois sortes de félicité que l'on convoite ici-bas pour la béatitude terrestre. Que cherchent les hommes dans les richesses et les honneurs de ce monde, sinon l'excellence et l'abondance. Le Seigneur promet aux pauvres en esprit le royaume des cieux, où il y aura excellence et abondance. Que cherchent les hommes méchants et cruels dans les procès et les guerres, sinon la sécurité. Le Seigneur promet à ceux qui sont doux la possession sûre et tranquille de la terre des vivants, désignant ainsi la stabilité des biens éternels. Que cherchent les hommes dans les convoitises et dans les plaisirs de ce monde, sinon des consolations contre les maux de la vie présente? Le Seigneur promet ses consolations à ceux qui pleurent. Les quatrième et cinquième béatitudes, qui regardent les œuvres de la vie active, assurent le bonheur à ceux qui ont faim de la justice, et promettent au miséricordieux le pardon qui les délivrera de tout maux. Elles ont pour but, comme on le voit, d'empêcher l'injustice dans l'acquisition des biens temporels, et la dureté des hommes qui, pour ne point partager l'infortune des malheureux, s'éloignent des œuvres de miséricorde. Aussi notre Sauveur promet le rassasiement à ceux qui ont faim et soif de la justice, et la délivrance de toute misère aux miséricordieux. Les deux béatitudes suivantes, la sixième et la septième, appartenant à la félicité de la vie contemplative, leurs récompenses sont en rapport avec les dispositions qu'elles signalent comme des mérites. Le Sauveur y promet la vision de Dieu à ceux qui ont le cœur pur, et au pacifique, la gloire de la filiation divine ou l'union parfaite avec Dieu, comme fruit d'une sagesse consommée. Note. Toutes ces récompenses sont, en réalité, une seule et même béatitude, que la faiblesse de notre esprit ne saurait concevoir, et que, pour cette raison, le Sauveur a dû décrire à l'aide de divers biens que nous connaissons. Il est à remarquer qu'elles s'enchaînent l'une à l'autre par une sorte d'addition. Posséder le royaume des cieux, le posséder fermement, y être rempli de consolation, rassasié au-delà de tout désir, y voir Dieu face à face, être son fils, en voilà la gradation. La plus haute dignité, dans le palais des rois, n'est-ce pas d'être le fils même du roi? Quant à la huitième béatitude, qui est la confirmation de toutes les autres, elle mérite toutes les récompenses. Le royaume des cieux lui est attribué, comme à la première, pour nous faire entendre qu'elle les renferme toutes. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.